délire. Dès que ça bruxelle, la rumeur. Une mort sur le trottoir, du fumé dans les bars. À croire que c'est la guerre d'entendre. Les trottoirs sont morts et les rues paisibles. Il y aura la paix en ville, plus de dur hostile. On veut faire du rock et non laisser éclater. Provoquer une demi-molle à des gens bourrés. Hey, hey. On y met du nôtre, c'est presque l'amour. C'est clameur. Fermez-nous les portes et on trouvera toujours. Toujours. Parce qu'on doit investir en bas de chez toi. Tous les papiers du coin, l'émergence sera à l'affût des rebuts pour combler le vide de ce paysage culturel aride. Le bon automne, j'ai pas le son d'automne. De la fumée du second, qui est pas de distorsion. Même ce qui est vu, revu et dit ce qu'il a à dire. La culture de rue s'oppose à un empire. Bien ça le problème quand on n'est pas des stars. On veut pas de zénith mais juste quelques bars. On verra des musiques dites alternatives. L'alternative à quoi? La soupe populaire. Comme si la curiosité qui était en nous était étouffée. Elle même sont partout. Bouge-toi, éveille-toi, réveille-toi. Si tu veux voir l'original et pas du pré-mâché, soutiens les acteurs qui font ta ville va. On n'oublie pas non plus les mêmes alentours. Dans la gueule des stars d'exemple, ils se pourrent toujours.